H1000 présente. Une carte postale sonore, d'ici, de là-bas, d'ailleurs. Pour le plaisir de vos oreilles, bonne écoute. Et nous voici, encore, auditeurs, auditrices, pour une carte postale sonore. Slovaque. Cette fois-ci, si la semaine dernière, je vous ai amené dans les rues et le centre historique de Bratislava, j'ai décidé de marcher un peu avec vous dans la région de Polana, sur ce sommet de Polana qui est recouvert d'immenses forêts. C'est un point de vue idéal sur non seulement les moyennes Tatras et les hautes Tatras. En fait, on voit une bonne partie de la Slovaquie depuis ce sommet de Polana qui se situe à 1400 mètres d'altitude. Et la particularité de cette région couverte de forêts, c'est tout d'abord que Polana est un ancien volcan. Mais surtout, toute cette réserve, enfin toute cette couverture forestière fait partie de la réserve biosphère. Donc c'est un patrimoine naturel absolument merveilleux. Il fait gris, mais la forêt va peut-être vous surprendre. H1000, c'est le départ. Des oiseaux, des insectes, beaucoup d'arbres, de fleurs. Dans cette réserve classée biosphère, la forêt vous accueille. Pas aussi silencieuse qu'on pourrait le penser. Mmh. a quasiment pour seule compagnie ces oiseaux, ces sapinières. Alors, vous êtes inspiré par le chemin. Faire une petite averse orageuse, ce qui n'empêche pas après la pluie, ce qui n'empêche pas donc les oiseaux de chanter. Par contre, les nombreux insectes, car je peux vous dire que nombreux insectes il doit y avoir sur ces prairies, vraiment c'est très vaste, très vaste. Je suis saisi par le nombre de fleurs. Des linaigrettes, du serpolet, des bugles, des myosotis, des orpins, qu'est-ce qu'il y a aussi, de l'arnica, de nombreux ombellifères. Hein, ça ressemble aux prairies jurassiennes, mais en plus grand, en plus silencieux. Paulana. Paulana, c'est un mirage. par des poutrelles fait une passerelle en bois. Un champ de l'inaigrette. Et le mystère de la forêt reste entier. Une brise passagère. Et le feuillage de hêtre, de bouleau, de frêne s'ébroue au gré de la brise. Eh bien, nous voici arrivés au sommet de Paulana, 1458 mètres. Et en fait, d'après les explications que l'on a vues sur les panneaux d'information le long de ce sentier, il s'agirait donc un des plus grands volcans éteints d'Europe, avec une caldeira très grande. Oui, caldeira de 20 km de diamètre. Oui. Avec donc, des dénivellations, un creux de 800 mètres. 800 mètres de profondeur. Et oui, le dénivelé est important. Donc cette caldeira s'étant effondrée, tout en bas ça a été colonisé par des villages, des pâturages. Ici, sur les flancs de cette vaste montagne, il y a donc c'est pourquoi elle est classée réserve biosphère, une forêt primaire. Ouais, qui est protégée par un parc national slovaque. Ouais. 855 hectares. Et c'est le plus grand de Slovaquie. Oui. Avec des insectes endémiques, des oiseaux assez rares dont je ne sais pas trop le nom. En tous les cas, niveau flore et insectes, il y a beaucoup d'endémies. Et puis ici, il faut le souligner, il n'est pas rare, même lorsqu'on randonne, de pouvoir rencontrer éventuellement l'ours, parce qu'il y a pas mal d'ours dans cette région de Poulana, vu la taille de la forêt. Puis aussi quelques avions qui passent, mais ça c'est toujours un peu embêtant. Lorsqu'on vous propose, auditeur, auditrice, une carte postale sonore. Mais la végétation ici, elle est luxuriante, quoi. On voit comme dans les Pyrénées de l'Erebor. C'est une plante qui ressemble un peu au cannabis, l'Erebor. Mais en fait, dans les Pyrénées, elle est à ras le sol. Ici, elle fait 50 à 60 cm de haut, quoi. Alors, toutes les plantes ici sont géantes. C'est incroyable. Et il y a des pâturages. Mais en fait, c'est pas des pâturages, c'est des versants entiers de myrtillers. Les myrtillers. Voilà, Poulana, au cœur de la forêt. Totalement submergé. Une prairie fleurie. Du jaune, du rose, du jaune éclatant, du bleu azur. Qui contraste donc avec nos champs en France, si appauvris en fleurs et même en espèces d'oiseaux. Y a qu'à lever le micro. Yeah. De retour vers un peu la civilisation, puisque là nous sommes sur une route goudronnée. On a quitté donc le sentier de Purlana, enfin l'un des sentiers, parce qu'il y en a beaucoup. Et alors donc, Thomas, qui a découvert un peu la Slovaquie et cette forêt de Purlana, qu'en penses-tu? C'est magnifique. Ah, c'est une forêt qui est dense, qui est belle. On a envie d'aller se promener dedans, hors des sentiers qu'il y a, parce que ça, elle donne envie, quoi. Et est-ce que tu imaginais la Slovaquie comme ça? D'ailleurs, il y a peu de Français qui connaissent la Slovaquie. Non, pas du tout. En fait, je ne savais pas trop à quoi m'attendre, quoi. Donc, agréable surprise, voilà. Je sais pas. Ouais. Et les gens ont plus l'habitude de penser Prague, grande ville. Ouf. Bratislava éventuellement, mais ils ne connaissent pas le pays, qui est couvert, faut-il le préciser, à 80% de montagnes, enfin de zones montagneuses, donc qui offrent beaucoup de forêts. Oui, mais je pense que c'est comme ça partout, dans tous les pays. On imagine plus souvent, Stockholm que le reste de la Suède, quoi. Tout à fait. Donc que ça s'applique ici, ça, c'est normal aussi. Voilà, les gens vont plus dans les grandes villes parce que c'est plus facile d'accès. C'est vrai que Purlana, il faut vouloir y aller, c'est un peu perdu. Ouais, tout à fait. Mais c'est justement l'atout de la Slovaquie et de ces régions. Mmh. Très peu de tourisme. Et on a pu remarquer ce que cela voulait dire, une forêt. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, protéger. Hein. Là, on voit que la biodiversité, elle est pas trop cassée, quoi. Hein. Ouais, elle est en route. Oui, beaucoup de fleurs, beaucoup d'oiseaux. Bon, l'ours, on l'a pas rencontré, mais sait-on jamais. Quel dommage. Škoda. Škoda. Allez, auditeurs, on vous laisse. Écoutez, ressentir la bande son. Son du voyage. À la semaine prochaine pour une nouvelle bande son. Son sur votre radio.